que tu sais ce qu'est un homme? Un homme c'est rempli de failles. Il peut encaisser les coups, mais y a des mots qui l'affectent beaucoup plus. Tu sais le monde c'est petit, comme se moquer d'un faible ou bien d'un handicapé. Ouais. Ce soir je vais pas faire la fête, je vais sur un banc du quartier. À faire couler la noirceur sur le blanc du papier. Qui pourra dicter nos vies? On fait confiance qu'à nous-mêmes. La politique c'est des règles, attends rien de croire en tes rêves. Le monde est en ruine, je préfère remonter la rue et m'arrêter faire des rimes sur un banc du quartier. Pardon maman pour le shit, pardon papa pour la chute. Je voulais faire comme tous les autres, j'avais pas compris que tu m'apprenais le contraire. Dans l'alcool, les problèmes c'est comme les flics. Tu les esquives tous les jours mais n'oublie jamais que tu peux les rencontrer. De toute façon j'ai qu'une vie, je vais pas m'arrêter là. Moi j'ai vu mon petit frère gravement malade. On crie tous les étapes à sa manière. Lui il a pris le fer avant la lame. Un soir d'hiver dans Paname. Résultat, un mort mais pas que. Une daronne qui pleure des larmes au parloir. Elle a fini sur le triste, à ressasser ce qui n'est plus. Les larmes tombent plus que la pluie sur le banc du quartier. Et quand je regarde l'état du monde, je me sens plus proche de la fin. Donc je vais sur le toit du mien, je vais faire comme si tout allait bien. Alors qu'en vrai c'est l'inverse, en vrai c'est pas la vraie vie. J'ai déjà traversé la pénombre, maintenant je dois traverser l'averse. J'étais heureux pas plus tard qu'hier. J'avais pas d'argent sur ma cuillère. Sous le ciel j'ai fait un tas de prières. Est-ce que les étoiles sont là pour porter compagnie à tous les enfants lunaires? Et moi j'apprécie la vie que j'ai. Genre de ma précarité sans passer par la criminalité. Rien à faire de vos petites rivalités. J'ai du talent à revendre et de la musicalité. Petit du fond de la classe, attends que les années passent. Et quand la forêt crame, j'attends que la marée passe. Ça me passe au-dessus les crasses, faut pas que mon cœur écrase. Et quand la forêt crame, j'ai trop traîné sur le bas-côté. J'ai du temps perdu mais j'ai pas compté. Petit passe l'hiver.